Afrique en vie. 89.4 FM. L'invité du jour. Nous sommes avec l'apôtre bien-aimé Boutuluk, marié et père de 8 enfants. Titulaire d'une maîtrise en théologie option exégèse. Il est également étudiant en master 2 et en doctorat pour le leadership transformationnel à la FATEAC. Ancien vice-président national de l'église AEC et ancien pasteur des régions des églises AEC d'Abidjan. Merci d'avoir accepté notre invitation, pasteur, nonobstant vos lourdes responsabilités. Que Dieu vous bénisse. Amen. Un chrétien peut-il souffrir? C'est notre thème. Mais avant, de quoi avions-nous parlé la semaine dernière, sinon dans l'émission précédente? Merci, cher Chrysostome. Je crois qu'on va retenir essentiellement deux ou trois grandes choses. D'abord, on a essayé de définir ce que c'est que la souffrance. Et dans cette définition, nous pouvons dire que le chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, ne peut se passer de la souffrance, ne peut éviter la souffrance pour la simple raison qu'il vit dans un environnement hostile. Hostile parce que nous avons des valeurs éternelles à transmettre et dans un environnement où les valeurs sont temporaires, cela va lui attirer des ennuis. Donc, un chrétien ne peut véritablement pas vivre sa foi sans passer par la souffrance. Et passage obligatoire, voilà. À vous entendre. Et nous avons aussi dit, mais originellement, la souffrance est un événement accidentel. Il ne fait pas partie du plan de Dieu, mais la désobéissance a occasionné... Dieu ne s'est pas trompé quand même, pasteur. Voilà, la désobéissance a occasionné la souffrance. Et avec la souffrance, vous avez vu que tout le monde soupire et qu'aujourd'hui, il est très difficile de vivre, même avec des semblables, les humains. Et la dernière chose, surtout que nous avons souligné dans nos dernières émissions, c'est que malgré cela, Dieu peut utiliser la souffrance comme un moyen pédagogique pour former le peuple de Dieu, pour former ses serviteurs. Et c'est là que nous avons lu ce passage de Deutéronome où Dieu dit, j'étais humilié, j'étais fait passer par la soif, j'étais fait passer par la faim, afin de connaître les dispositions de ton cœur. Et là, vous comprenez. C'est difficile à accepter. Hein? Voilà. Et là, vous comprenez que aujourd'hui, il faut le reconnaître, on ne suit pas Dieu seulement, on ne sert pas Dieu seulement, ou uniquement des bénédictions. Mais on peut servir Dieu dans des situations inconfortables, difficiles, mais il faut faire avec. Voilà. Difficile à accepter. Voilà. Il faut faire avec, mais difficile à accepter. Oui, oui. Donc, en gros, pour nous résumer pour notre émission précédente, précédente, c'est ce que nous avions dit. D'accord, merci beaucoup, pasteur Boutuluk. Merci. Bien aimé. Ah oui. Alors, aujourd'hui encore, nous allons séjourner dans votre réflexion. Hein, oui. Souffrez. Face à la souffrance, quelle doit être l'attitude du chrétien? Très bien. Et c'est ça, c'est un volet fondamental de la question de la souffrance. En quoi est-ce que ce volet est fondamental? Et je serai prêt à vous l'expliquer. D'accord. Lorsque vous passez par une période difficile, délicate, disons par la souffrance, le vrai problème n'est pas la difficulté, le vrai problème n'est pas la souffrance que vous êtes en train de vivre. Mais le vrai problème, c'est l'attitude que vous adoptez. Pourquoi? C'est-à-dire, soyez un peu plus explicite. Et pourquoi? Le problème, un problème n'est rien en soi. Et la difficulté ne représente rien en soi. Mais c'est votre attitude qui va transformer le problème, soit en ruine pour vous, ou même en miracle, ou en témoignage, c'est-à-dire quoi? En clair, qu'est-ce que vous voulez dire? Par votre attitude devant une situation quelconque, un manque, une souffrance, une persécution, vous pouvez amener Dieu à entrer en scène et à changer le cours des événements et des choses. L'homme peut... Je ne comprends pas bien, voilà, pasteur. Voilà, merci. Allez-y. L'homme peut... amener Dieu. À Non, je ne comprends pas. Expliquez-nous. Oui, mais je vous explique. Est-ce qu'on peut forcer la main de Dieu? Je prends un exemple. Une femme. On peut forcer la main de Dieu à changer la chose. Je dis oui et non. Nous pouvons forcer la main de Dieu. Mais pourquoi je dis oui et non? Nous pouvons forcer la main de Dieu dans le bon sens. En nous fondant sur ses promesses. Vous comprenez? Mais. Allez-y, je vous suis. Mais il n'est pas question de votre expression là, forcer la main de Dieu dans une attitude de désobéissance. Ça, ce n'est pas envisagé. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que, par exemple, une femme qui n'enfante pas, c'est un problème. Lorsque vous n'enfantez pas, vous avez de sérieuses difficultés. Mais si cette femme met sa foi dans le Seigneur et ne se confie qu'en lui, selon qu'il est écrit dans, par exemple, psaume 37, verset 5, « Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance. » Et vous allez voir. Il agira. Et il agira. Mais c'est peut-être la volonté de Dieu, si on n'enfante pas. C'est peut-être la volonté de Dieu. Exactement. Mais la volonté de Dieu peut être changée de par notre foi. Parce que vous connaissez bien l'histoire d'Abraham. Et l'histoire de la postérité d'Abraham. Vous connaissez l'histoire d'Isaac, l'histoire de Jacob. On vous dit que l'Éternel avait rendu Rachel stérile. Mais à chaque fois qu'on priait et autres, l'Éternel se souvenait. Donc la volonté de Dieu peut être une épreuve pour nous. Mais par notre attitude de confiance, de foi en lui et en ses promesses, Dieu peut changer son attitude et changer ses décrets éternels pour changer notre transformation afin que toute la gloire lui revienne. Cher Chrysostome, c'est ça. D'accord. Merci. D'accord. Alors, Nicole Débat, une question? Oui, par rapport à l'attitude à tenir dans la souffrance, pasteur Botiliuk, oui. Est-ce que le fait de se confier à Dieu peut être considéré comme une attitude à tenir? Oui, exactement, c'est ce que je vous dis. Au fait, la première attitude. Parce que Dieu dit quoi? Dieu dit, sans la foi, nous ne pouvons pas lui être agréable. Car il faut que ceux qui s'approchent de lui sachent qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, l'Éternel, notre Dieu que nous adorons, attend de nous une attitude de foi. Et Jacques nous avertit. Il dit, mais sans la foi, vous ne pouvez rien obtenir, car vous êtes comme une pirogue qui ballotte sur une rivière. Qui tangue. Voilà, qui tangue. Donc, vous ne pouvez rien obtenir. Donc, la première attitude, quelle que soit la situation que vous traversez dans votre vie, c'est d'être dans une attitude de confiance que mon problème n'a pas changé, n'a rien changé à l'amour de Dieu, car Dieu reste amour. Mon problème n'a rien changé à la bonté de Dieu, car Dieu reste toujours bon. Mon problème n'a rien changé à la fidélité de Dieu, parce que le Seigneur est toujours fidèle et il ne change pas. C'est sa nature. La Bible nous c'est dit sa nature, on le sait. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Vous voyez? Donc, si vous vous maintenez dans cette attitude, je crois que votre problème, finalement, deviendra une occasion de témoignage simplement. Et c'est pourquoi Jésus pouvait dire, vous vous souvenez, l'aveugle né, il dit ceci, c'est pour la gloire de Dieu. Voilà. Donc, il y a des problèmes qui viennent pour manifester plus la gloire de Dieu, la fidélité de Dieu, la bonté de Dieu, l'amour de Dieu, la permanence de Dieu. D'accord, mais c'est quand même difficile à comprendre et à accepter. Pasteur Botiluk. Alors, Nicole Débat, une question. Prier. Oui. En temps de souffrance, est-ce que c'est aussi une attitude? Bien sûr, plus que l'épître de Jacques... nous dit, je crois c'est Jacques 5 à partir du verset 13, il dit, quelqu'un est-il dans la souffrance, qu'il prie. Parce que quand nous parlons de la foi, la Bible dit que la foi sans les œuvres est une foi morte. Celui qui a véritablement la foi dans les situations, prie. Parce que le moteur de la foi, c'est la prière. Et c'est la prière fervente du juste a une grande efficacité. Donc la foi va toujours avec la prière, avec l'intercession pour les siens. Et donc dans la prière, l'intercession, souvent aussi la prière accompagnée des jeunes, fait partie de l'attitude que le chrétien doit avoir devant les situations s'il veut que Dieu l'aide à triompher. de ces situations. Quel genre de prière le chrétien doit-il faire dans ces temps de souffrance-là? Est-ce qu'il y a une manière de prier de manière spéciale? Bon, concrètement. Je peux vous parler de la prière de la foi. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que la prière de la foi? C'est une prière. Vous avez la parole. Qui repose sur les promesses de l'Éternel. Vous allez voir dans toute la Bible, pour tel domaine, Dieu a donné des promesses. Vous voulez avoir des enfants, Dieu a donné des promesses. Vous voulez prospérer dans la vie, Dieu a fait des promesses. Et donc, lorsque vous vous trouvez dans tel ou tel état, vous devez en ce moment cibler votre prière en évoquant les promesses formelles du Seigneur concernant le domaine qui est le vôtre. Vous voyez? Donc, j'appelle cela la prière de la foi. C'est aussi ce qu'on peut parler de la prière fervente. Vous priez, vous croyez que Dieu vous entend et qu'il va vous exaucer. C'est ça la prière de la foi. Et si la désobéissance est l'une des causes de la souffrance, mm-hmm. est-ce qu'il ne faudrait pas aussi faire des prières de repentance, par exemple? Bien sûr, bien entendu. Nous sommes dans, comme je l'ai dit, j'ai fait cette mise au point que lorsque nous parlons de la souffrance du chrétien, il faut exclure cette souffrance qui vient du fait que nous désobéissons à Dieu. Là, qu'est-ce que nous devons faire? Il faut revenir à lui, il faut se repentir, et puis au fait, la situation se normalise. Maintenant, même là, attention, notre désobéissance peut occasionner des situations qu'il faut assumer. C'est-à-dire, il n'y a pas de prière pour cela. Ben, écoutez, s'il vous plaît, si vous commettez l'impudicité et que vous avez une grossesse, ben, écoutez, vous allez beau vous repentir, mais vous porterez votre grossesse jusqu'à terme. Hein? Monsieur Chrysostome. Tout à fait, les conséquences sont là. Hein? Là, il y a certains péchés, Dieu peut vous pardonner, mais les conséquences, vous les assumez. C'est cela. Voilà. Les conséquences demeurent. Oui, mais quand David a commis l'adultère avec Bathsheba, la femme d'Uriah, David a reconnu son péché. Il a demandé pardon. Dieu lui a pardonné. Mais les conséquences l'ont poursuivi jusqu'à ce que la famille soit disloquée. D'accord. Alors, pasteur bien-aimé Botuluc, nous allons encore séjourner dans votre réflexion. Oui. Nicole Débat, une question. Mis à part la prière, supporter patiemment la souffrance, est-ce qu'on peut, dire que c'est une attitude aussi à tenir pendant les temps de souffrance? Exactement. Vous allez voir que les chrétiens connaissent pratiquement tous les noms de Dieu. Il y avait El Shaddai, il y avait El Sebaot, il y avait Roy. C'est mauvais? Il y avait Nissi. C'est mauvais, pasteur. Il y avait Shama. Et ça, c'est bien. Mais, Chrysostome, je voudrais faire cette révélation aux éditeurs qui nous écoutent. Il y a un des noms de Dieu que les gens n'évoquent pas le plus souvent. C'est lequel? Dans l'épître, je crois, des Romains, il y a un nom de Dieu qui est évoqué. Il est le Dieu de la persévérance. Et les enfants de Dieu doivent être à l'image de leur père. Puisque Dieu est le Dieu de la persévérance. Nous chutons, il nous attend. Nous chutons, il nous pardonne. Nous chutons, il nous fait confiance. Il persévère jusqu'à ce que nous parvenions à la statue parfaite de l'homme régénéré par la puissance du Saint-Esprit. Et donc, dans les difficultés, nous devons supporter la tentation. Et pourquoi je le dis? Parce que, au travers des épreuves, Dieu forge notre caractère à la patience. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu sont impatients. Ils veulent s'enrichir du jour au lendemain. Ils veulent avoir de grandes choses, une situation, voir leur situation décanter. Mais je crois que l'une des meilleures attitudes qui nous conduit inévitablement à la victoire, c'est la patience. La patience quand nous souffrons et la persévérance active. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un qui est patient, ça veut dire quoi? Ce n'est pas qu'il se résigne, non. Il y a une différence entre se résigner et être patient. Ça veut dire qu'il est actif, cela veut dire qu'il prie. Cela veut dire qu'il a foi que Dieu va le délivrer. Et c'est ça l'attitude que nous devons avoir lorsque nous sommes confrontés à des difficultés de cette vie. D'accord. Nicole Débat, toujours. D'aucuns disent qu'il faut se réjouir dans la souffrance. Oui. Est-ce qu'un chrétien qui a souffert et qui n'en peut plus peut se réjouir dans la souffrance? Exactement. Et c'est, vous évoquez le passage de l'épître de Jacques. Je crois que c'est Jacques chapitre 1, le verset 2 dit ceci. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Vous voyez? Donc, pourquoi nous pouvons regarder comme un sujet de joie les diverses épreuves auxquelles nous sommes exposés? Vous allez voir que cette révélation nous dit quelle est la dimension de l'adoration. Quelqu'un n'a rien à manger. Quelle est la dimension de l'adoration. Il doit se réjouir. La dimension de la louange lorsque nous passons par des moments difficiles. Lorsque dans votre moment difficile, vous vous mettez à louer Dieu. Vous vous montez à proclamer la gloire de Dieu, la fidélité dans la maladie, de Dieu, la bonté de Dieu dans la maladie. Vous voyez, la louange, l'adoration qui sort de vos lèvres vous apportera certainement la délivrance. L'exemple que je vous donne, c'est l'exemple de l'apôtre Pierre qui est arrêté, qui est dans une prison, les mains liées, les pieds enchaînés. Et la Bible dit qu'au milieu de la nuit, ils se mirent à chanter les louanges de l'Éternel. L'ange descend. Vous voyez, la seule chose qui remue les cieux, qui ouvre les écluses des cieux, la seule chose qui fait boucher l'armée des anges, c'est bien la louange et l'adoration. Et c'est pourquoi dans nos souffrances, la part de la louange ne doit pas être négligée. Bien-aimé, Botuluc, oui, pasteur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup, cher Christophe. En quelques secondes, on retient quoi? Nous retenons de cette émission. Nous retenons qu'il faut avoir l'attitude, la bonne attitude face aux difficultés, face aux frustrations, face au mépris des autres. Il faut avoir la bonne attitude qui te donnera l'occasion de reprendre le dessus et de manifester que votre Dieu est le Dieu le plus grand. Suite et fin, semaine prochaine avec le même thème. Merci beaucoup. N'est-ce pas, pasteur? Je suis à... Radio Fréquence Vie. C'est...